Ça marche bien ta boutique en ligne pour les fêtes ? Bah tellement bien que je cours partout pour livrer mes colis à temps. Passe par Colissimo Facilité. Tu imprimes chez toi les étiquettes d'affranchissement et si tu le souhaites, la poste peut même passer récupérer tes colis. C'est très facile. Découvrez Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne de La Poste dédiée aux professionnels pour faciliter l'envoi et le suivi des colis. Et jusqu'au 31 décembre, profitez de moins 10% sur vos envois pendant 6 mois. Renseignements au 3634 ou à La Poste. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un printemps arabe qui a tour des cours, l'Égyptien. Début 2011, dans la foulée des Tunisiens, le peuple d'Égypte entame sa révolution. Des millions de personnes descendent dans la rue pour réclamer le départ d'Hosni Moubarak. Il ne leur faudra que 18 jours pour mettre un terme aux 30 années de règne de celui qu'on surnomme le pharaon. Tout démarre le 25 janvier 2011 avec une manifestation place Tahrir, la place de la libération, une immense esplanade au cœur du Caire. En quelques jours, la capitale devient le théâtre de gigantesques manifestations et les autres villes du pays suivent l'exemple. Le 11 février, le peuple égyptien accueille le départ d'Hosni Moubarak avec joie et soulagement. Le conflit était d'une violence inouïe. Plus de 850 manifestants sont morts. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Le 8 juin 2014, Abdel Fattah al-Sissi est élu avec 96% des suffrages après avoir éliminé toute opposition, islamiste d'abord, libéral et laïque ensuite. Aujourd'hui, Amnesty International estime que ce pays gouverné par un militaire est devenu une prison à ciel ouvert pour les dissidents. Qu'il semble loin, le printemps arabe égyptien. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Ancel, géopolitologue et maître de conférences à Sciences Po Paris. Il a notamment publié en 2014 aux presses universitaires de France le livre « Géopolitique du printemps arabe » couronné par le Grand Prix de la Société de Géographie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Daviau, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Sonia Leglen et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Notre message tient en un mot. Président Moubarak, partez. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne supportons plus votre système de gouvernement. Aujourd'hui, nous avons débuté le changement initié par la Tunisie. Oui, la Tunisie, un modèle pour le peuple égyptien, comme l'explique ce manifestant devant les caméras de France 2. Ce 25 janvier 2011, dans la foule, on peut voir écrit en français sur une pancarte « Moubarak dégage ». Une référence au « Ben Ali dégage » scandé pendant des semaines par les manifestants tunisiens. Ce mardi-là, c'est jour férié en Égypte. On célèbre la police. Oui, une fête pour la police. C'est une idée d'Hosni Moubarak. Instituée en 2009, ce jour de la police, donc, rend hommage au premier employeur du pays, le ministère de l'Intérieur. Avec 1,5 million de fonctionnaires pour 80 millions d'habitants, on peut parler effectivement d'État policier. Un pays où l'uniforme fait régner la terreur. Le ministre de l'Intérieur, Habib el-Adli, est d'ailleurs surnommé le ministre de la torture. D'ailleurs, la veille, il a prévenu les manifestants, tout débordement sera durement réprimé. C'est que ce ministre-là est au courant de ce qui se prépare. Un collectif de jeunes, le mouvement du 6 avril, a lancé un appel à manifester sur Facebook. Début 2011, ce réseau social rassemble déjà 16% de la population, soit 5,5 millions d'internautes. Pour ces jeunes activistes, ce jour de la police doit devenir le jour de la colère du peuple égyptien. L'appel à manifester a été relayé par le mouvement contestataire Kefaya, autrement dit « ça suffit », qui demande le départ de Moubarak depuis 2004. Mais également par les jeunes de la confrérie des Frères musulmans, une organisation religieuse très implantée en Égypte et qui compterait plus d'un million de membres. Le 25 janvier, peu après midi, des petits groupes se rassemblent discrètement dans plusieurs rues du Caire. Ils convergent tous rapidement vers la place Tahrir, grande comme deux fois celle de la place de la République à Paris. Et très vite, ils sont près de 20 000. Pour une ville qui compte 20 millions d'habitants, cela peut paraître dérisoire. Pourtant, De mémoire de Kairot, on n'avait pas vu un tel rassemblement depuis 2003 contre la guerre en Irak. Encerclés par la police anti-émeute, les manifestants se mettent à crier des slogans tels que « Moubarak, l'Arabie n'est pas loin », en référence à Ben Ali, qui a trouvé refuge à Jeddah. En réponse, les policiers lancent des gaz lacrymogènes. Parmi la foule, un homme répond au journaliste de France 3 et il explique pourquoi il manifeste. J'ai 33 ans et je n'ai pas de travail. Les prix augmentent, on n'a pas de logement et il n'y a pas de justice. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous mettre le feu ? Se mettre le feu. Le manifestant fait ici référence à plusieurs Égyptiens désespérés qui se sont immolés au début de l'année 2011, imitant en cela le Tunisien Mohamed Bouazizi. Un autre manifestant ajoute « Nous sommes diplômés et sans emploi. Nous sommes jeunes et sans avenir. Pas de liberté politique, pas de liberté économique, alors on fait quoi ? On se met le feu. » Mais ce jour-là, en Égypte, ce ne sont pas les hommes qui s'immolent, ce sont les villes qui s'embrasent. À Suez, Alexandrie, Assouan et au Caire, le peuple vient braver la police. Cette première journée est l'étincelle qui va faire basculer le pays dans la révolution. Les langues se délient et la colère prend le pas sur la peur. L'Égypte entre en ébullition. Dans le documentaire « Égypte, carnet intime d'une révolution » diffusé sur France Culture, une jeune manifestante a du mal à contenir sa fureur. Trop, c'est trop. 30 ans d'injustice, 30 ans de ce régime complètement stupide qui met tous les incompétents à la tête du pouvoir. J'en ai marre, j'ai 28 ans. Je n'ai connu que Moubarak comme président. Ce n'est pas mon président, il ne me représente pas. Je ne l'ai pas élu. C'est ce que j'ai à dire à ce régime stupide qui pousse les gens à tuer des activistes et des civils qui ne commettent aucune violence. Et après, ils disent dans les médias que nous sommes violents. Nous ne sommes pas violents, nous protégeons notre pays. Nous protégeons l'intérêt commun. Mais lui ne le fait pas. Il ne devrait pas être dans ce bureau. Il ne devrait pas être président. Il ne devrait pas être notre président, le message est clair. Car la jeunesse réclame du changement. Avec ses 80 millions d'habitants, l'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe et du Moyen-Orient. Une population très jeune, les deux tiers des habitants, ont moins de 30 ans. Ils sont donc plus de 50 millions à n'avoir connu que Moubarak comme président. Arrivé au pouvoir après l'assassinat d'Anwar al-Sadat en 1981, Moubarak a été réélu 5 fois à la tête du pays, lors de simulacres de scrutin. Grâce à son parti, le PND, Parti National Démocratique, il a noyauté toutes les instances du pouvoir. Un régime autoritaire aux contours classiques. Sous sa présidence, la population a doublé, mais le pays n'a jamais été réformé. On qualifie parfois son règne de « dictature molle ». Car Moubarak, c'est avant tout l'immobilisme. 30 ans d'immobilisme, mais 30 ans de paix aussi. Raïs tiendra en effet, et coûte que coûte, les accords de paix avec Israël et restera l'allié indéfectible des États-Unis, qui le lui rend bien d'ailleurs avec une aide annuelle de 1,5 milliard de dollars. Lorsque les premières manifestations éclatent en ce mois de janvier 2011, Moubarak, âgé de 82 ans, est déprimé, profondément affecté par la mort de son petit-fils. Entouré d'une cour qui le flatte, il est très loin des préoccupations de son peuple. D'ailleurs, il prépare sa succession. Et c'est son fils Gamal qui est pressenti. Hein ? Pourquoi gêner ? Mais les événements qui se déroulent dans tout le pays vont bouleverser les plans du clan Moubarak. Au début, il est vrai, tout le monde est sceptique. L'Égypte n'est pas la Tunisie. La population est beaucoup moins éduquée et les Égyptiens n'ont pas une conscience politique très développée. Et puis, il y a cet état d'urgence permanent qui dure depuis 30 ans, depuis l'assassinat de Sadat. Hosni Moubarak n'a jamais voulu le lever à cause de sa lutte sans merci contre les islamistes. Pourtant, les Égyptiens continuent le combat malgré la répression et les premiers morts de cette révolution en marche. Le journaliste Alain Grèche analyse la situation sur France Inter. Il y a eu en Égypte depuis quelques années des mouvements sociaux importants, des grèves ouvrières, des luttes paysannes, des luttes dans les quartiers défavorisés, mais c'était ponctuel et il n'y avait jamais de slogan politique. C'était des slogans revendicatifs. Là, il y a très clairement une demande que le régime s'en aille, quoi. Et ça, c'est effectivement sans précédent et c'est incontestablement le résultat de l'exemple tunisien. Les gens n'ont plus peur. Et malgré les mesures exceptionnelles prises par le pouvoir, les gens sont descendus dans la rue. Avant, les manifestations étaient beaucoup moins importantes et il y avait une très violente répression. Les gens étaient arrêtés. Et puis, on sait que quand ils sont amenés dans les commissariats, en général, ils sont battus, torturés, etc. Donc, ça crée une vraie peur. Là, on a l'impression que les gens se sont libérés, quoi. La torture et les violences policières, c'est le lot quotidien pour de nombreux Égyptiens depuis des années. Une affaire, d'ailleurs, avait bouleversé l'opinion publique 6 mois avant le début des manifestations. C'était le 6 juin 2010. Ce jour-là, un homme de 28 ans s'apprête à mettre en ligne sur son blog une vidéo montrant des policiers en plein deal de drogue. Le soir même, il est appréhendé. La suite est dramatique. Traîné hors du cybercafé, le jeune homme est battu à mort dans un hall d'immeuble. Son nom, Khaled Saïd. Très vite, la photo de son visage aux dents brisées, au nez écrasé, partagé et échangé des milliers de fois sur Internet. Et un homme crée une page Facebook. Nous sommes tous Khaled Saïd. Cette communication devient une plateforme où les Égyptiens partagent leurs témoignages de violence et tortures policières. À la fin de l'année 2010, plus de 300 000 personnes alimentent cette page. Lorsque la révolution tunisienne obtient la tête de Ben Ali, l'administrateur de cette page lance un appel à manifester. Ce sera le 25 janvier, le fameux jour de la colère, à l'occasion de la fête de la police. L'homme qui est à l'origine de cette page Facebook s'appelle Vael Ghanim. Cet Égyptien de 30 ans vit à Dubaï, où il travaille comme directeur marketing de Google Moyen-Orient. Le 23 janvier, il rentre en Égypte pour participer à la manifestation du 25. 2 jours plus tard, il est arrêté par la sécurité d'État. On lui bande les yeux, il va passer de nombreux jours en captivité. Pour les services de sécurité égyptiens, il faut briser le début de la contestation rapidement, autrement dit, tuer le mouvement dans l'œuf. Alors, les autorités coupent l'accès à Internet. Un manifestant explique la situation au micro de France Inter. La plupart des gens ont su ce qui se préparait et où grâce à Facebook et aux réseaux sociaux, car les médias locaux sont biaisés, ils sont aux mains du gouvernement, donc personne ne sait vraiment ce qui se passe. Ils ont fermé Twitter et Facebook, mais il reste les messages BlackBerry, ils ne les ont pas bloqués et en plus, ils sont intraçables. L'histoire de cette révolution, c'est aussi l'affaire de débrouille et d'esquive. L'État bloque Facebook et Twitter, qu'à cela ne tienne. Les manifestants détournent cette censure en utilisant des sites miroirs et des passerelles Internet. Et à ce jeu-là, les jeunes cyberactivistes égyptiens enregistrent quelques victoires. Ils lancent un événement sur Facebook pour le vendredi 28 janvier. C'est le premier jour du week-end et celui de la grande prière hebdomadaire pour les musulmans. Heure du rassemblement, midi. Nom de l'événement, pot de départ d'Hosni Moubarak. À midi, des milliers de muezzins appellent à la prière dans la gigantesque ville du Caire. Après la fin de cette grande prière, place à la colère. Des milliers de caïrotes convergent vers le centre-ville pour réclamer la démission de Moubarak. Une manifestante répond aux questions des journalistes de France 3. On a le droit de manifester pacifiquement. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On dit à Moubarak, c'est fini. C'est fini. Alors que les Égyptiens marchent dans le calme, ils sont bloqués par la police. Et très vite, c'est l'affrontement. Jet de pierre côté manifestants, balles en caoutchouc côté force de l'ordre. Les rues sont envahies de gaz lacrymogènes, la foule est déchaînée. Des barricades sont dressées, des véhicules de police sont incendiés. Et puis tout à coup, la foule se fige. C'est le moment de la prière. Scène surréaliste où une centaine d'hommes se mettent à prier. Ce sont principalement les frères musulmans. Ils ont rejoint le mouvement de contestation, c'est un renfort de poids. Très organisés, ils vont tenir un rôle fondamental dans la révolution égyptienne. Autre soutien important, les supporters ultra des deux plus grands clubs de foot de la capitale, Al Ahly et Zamalek. Jeunes et téméraires, les ultras sont habitués depuis des années à affronter la police. Ils sont d'ailleurs pratiquement les seuls Égyptiens expérimentés dans la guérilla urbaine. Eux n'ont peur ni des gaz, ni des balles. Ils renvoient des grenades et savent s'organiser. Ils sont aussi les premiers à lancer des chants hostiles à Moubarak, que la foule reprend ensuite en cœur. Dans la foule qui se retrouve, place Tahrir, on retrouve ainsi un mélange assez inédit et disparate de jeunes cyberactivistes des classes supérieures, des militants historiques de l'opposition, les jeunes de la confrérie des frères musulmans et donc les supporters de foot ultra qui se présentent comme anarchistes. Ajoutons à cela un homme, l'Égyptien Mohamed El Baradaï. Ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a reçu le prix Nobel de la paix en 2005 pour ses efforts dans la lutte contre l'armement atomique. Ce vendredi 28 janvier, il décide d'aller soutenir les manifestants. Mais face à la violence des affrontements, il est exfiltré. Au micro de France Culture, une manifestante décrit la fin de cette journée où l'Égypte a basculé dans le chaos. Les balles réelles. Ils nous ont tiré dessus à balles réelles. Les jeunes tombaient les uns après les autres. Et Hosni Moubarak, hier, il a donné l'ordre aux policiers de s'habiller en civil et d'aller mettre le feu et détruire tout ce qu'ils pouvaient. C'est la police qui met le feu au pays. Et ensuite, ils disent que c'est nous qui faisons ça, qu'on est des voyous. On n'est pas des voyous, on est des gens respectables. C'est eux qui nous tuent, qui tuent les jeunes Égyptiens. Ils veulent nous sacrifier pour protéger le ministère de l'Intérieur. Mais c'est trop tard maintenant. Ils nous tirent dessus, ils nous tuent, mais on n'a pas peur. On veut vivre avec fierté et dignité, ou alors mourir avec fierté et dignité. Mourir avec fierté et dignité. Ce jour-là, des dizaines de manifestants ont perdu la vie lors des manifestations qui se sont déroulées dans tout le pays. L'Égypte est à feu et à sang. Au Caire, le quartier général du Parti national démocratique du président Moubarak est incendié. Puis la police déserte les rues et les tanks entrent dans la ville. C'est l'entrée en scène de l'armée, institution à la fois admirée et crainte. Car tout le monde a un fils, un frère, un oncle, un père ou un cousin parmi les 470 000 hommes que compte l'armée égyptienne. Contrairement à la police, où il faut souvent payer pour obtenir un poste, l'armée est l'un des seuls moyens d'ascension sociale dans ce pays rongé par la corruption et le népotisme. Ce soir-là, les soldats n'interviennent pas. Mais la plupart des Égyptiens sont chez eux à cause de l'instauration d'un couvre-feu. Et c'est là qu'à minuit, ils découvrent sur leur écran de télé leur président, le visage livide. J'ai entendu votre revendication de liberté, mais c'est une nécessité absolue de maintenir la sécurité et la stabilité du pays. Je suis le garant de cette sécurité. Traduisez, je ne partirai pas. Le lendemain, ils sont des milliers à se rassembler place Tahrir. Les Égyptiens ordinaires ont rejoint les manifestants de la première heure. Et l'armée est toujours immobile, les canons des chars sont tournés vers les murs, les soldats observent ce peuple qui vient leur offrir des pâtisseries et des cigarettes. Des manifestants ont tagué sur un char « Moubarak, go away ». Dans l'après-midi, la télévision nationale interrompt ses programmes. Et pour la première fois depuis son ascension au pouvoir, Hosni Moubarak nomme un vice-président, donc un potentiel successeur. Il s'agit d'Omar Souleyman, le directeur des services de renseignement. Le Raïs décide aussi de changer son gouvernement. Bien. Mais cela suffira-t-il à calmer la colère du peuple ? انا اقدم شارع فيكي Le Caire, dimanche 30 janvier à l'aube, le ministère de l'Intérieur vient de tomber aux mains des manifestants. Dans la ville, les commissariats sont désertés, le Caire est le théâtre de scènes de pillage. Des milliers de détenus ont été relâchés des prisons pour semer le chaos. Le régime a choisi la stratégie du pire en laissant dégénérer la situation. Des comités de défense se mettent en place pour protéger les caïrotes. Place arrière, la foule est toujours aussi dense. Et ce n'est pas le survol de la place par des hélicoptères et des chasseurs F-16 qui vont impressionner les manifestants. Oh non, des enfants sont même de la partie. Oui, comme celui-ci, qui scande un slogan anti-Moubarak repris par la foule. À 19h, le prix Nobel de la paix, Mohamed El Baradei, prend la parole place Tahrir et déclare « Une nouvelle ère s'ouvre pour l'Égypte. Ce que nous avons initié ne peut plus faire marche arrière. » Le lendemain, les manifestants apprennent deux bonnes nouvelles. Le ministre de l'Intérieur, le détesté Habib El Adli, est écarté du nouveau gouvernement. Et l'armée publie un communiqué « Elle n'utilisera pas la force contre la foule. » Elle reconnaît les demandes légitimes du peuple. Le 1er février, après 5 jours de blackout, le régime rétablit l'accès à Internet. Une semaine après la première manifestation place Tahrir, ils ne sont plus 15 000 à manifester. La chaîne qatarie Al Jazeera, il est vrai acquise, à la cause des manifestants, annonce le chiffre de 2 millions. La télévision nationale égyptienne parle, elle, de 5000 manifestants. Mais enfin, peu importe les chiffres exacts, c'est tout un peuple qui vient réclamer la tête de Moubarak. Le soir même, le président prend une nouvelle fois la parole à la télé. Et là, il annonce qu'il ne se représentera pas à la prochaine présidentielle prévue 5 mois plus tard. Non, il compte garder le pouvoir tout de même et assurer la transition dans le calme. Il rappelle aussi tout ce qu'il a donné au pays. Le Hosni Moubarak qui vous parle aujourd'hui est fier des longues années passées au service de l'Égypte et de son peuple. Car ce pays, le cher pays, est mon pays comme il est le pays de chaque Égyptien et Égyptienne. Sur son sol, j'ai vécu et j'ai combattu pour lui. J'ai protégé ses terres, sa souveraineté et ses intérêts. C'est sur son sol que je vais mourir. Et l'histoire me jugera comme elle en jugera d'autres. Hosni Moubarak, qui s'est fait connaître pendant la guerre de 73 contre Israël, a tenté de jouer sur la corde de la sensibilité et du patriotisme. Alors oui, il va quitter le pouvoir, mais il veut finir sa vie en Égypte. Ce discours ne convainc pas les manifestants qui exigent son départ immédiat. L'un d'entre eux réagit au micro de France Inter. C'est un discours surréaliste, le président est à côté de la plaque, il n'arrive pas à comprendre que le peuple n'en veut plus de lui. Et maintenant c'est une question d'obstination. Lui il est obstiné et le peuple est obstiné aussi. Il est brisé psychologiquement, je ne l'ai jamais vu aussi faible. Il faut regarder son visage et ses expressions il y a 10 jours, et son regard et ses expressions depuis la nomination d'Omar Suleiman comme vice-président. Il a enfin compris. L'obstination, c'est bien le mot qui convient pour qualifier la journée du 2 février. Car ce jour-là, de nombreux acteurs font leur entrée sur la scène révolutionnaire. Ils se présentent comme des partisans de Moubarak. En réalité, ce sont des Baltaghiya, des petits caïds des quartiers pauvres, payés pour briser la révolution. Et ils s'en prennent violemment aux manifestants. Un peu plus tard dans la journée, des hommes à dos de cheval et de chameau foncent dans la foule. Scène terrible, des snipers nichés sur les toits d'immeubles tirent dans la tête et dans la poitrine des manifestants. C'est le chaos. Des cocktails Molotov sont jetés de part et d'autre. Au micro de France Culture, un père de famille raconte le rôle qu'a tenu sa propre fille dans la révolution. J'ai aussi découvert ma fille. Le 2 février, quand la place Tahrir a été attaquée, ma fille a fabriqué 20 bouteilles de cocktail Molotov. 20! Mon fils, lui, n'arrêtait pas de me dire que j'étais incohérent parce que je construisais des ponts, des tunnels. Donc je travaillais pour le régime, puisque seul un État construit des ponts et des tunnels. Mais avec la révolution, il a retrouvé du respect pour moi. Et c'est important pour moi. Et de mon côté, j'ai retrouvé du respect pour ma fille, qui me paraissait timide, mais en fait était capable de fabriquer des cocktails Molotov pour la révolution. Ce 2 février, la révolution aurait pu être stoppée par le régime dans un bain de sang. Mais la place Tahrir est toujours occupée. Les manifestants ont tenu. En grande partie, grâce à la combativité et l'organisation des frères musulmans. Le lendemain, c'est le Premier ministre qui présente ses excuses pour les violences de la veille qui ont fait 9 morts et près de 1000 blessés rien que sur la place Tahrir. Et puis, pendant 5 jours, c'est le statu quo. L'économie tourne au ralenti, les touristes ont quitté le pays, et du côté du gouvernement, on a lancé des tractations avec l'opposition, et notamment avec les frères musulmans qui deviennent ainsi une force politique reconnue. Le 7 février, les larmes d'un homme bouleversent tout le pays. Celles de Vael Ghonim, le jeune Égyptien à l'origine de la page Facebook qui avait appelé à la première manifestation. Détenu pendant 10 jours, il n'a pas eu connaissance des tout derniers événements de la révolution. Le soir de sa libération, il s'exprime sur le plateau d'un talk show très populaire de la chaîne de télé privée Dream. À l'écran, des images des manifestants tués sous les balles ou les coups de la police défilent. Et là, Vael Ghonim craque en direct. Je veux dire à chaque mère et à chaque père qui a perdu un fils que je suis désolé, mais ce n'est pas notre faute. J'ai juré devant Dieu que ce n'est pas notre faute. C'est la faute de tous ceux qui se sont accrochés au pouvoir. Je veux m'en aller. Eh ben, El Ghanim s'en va. Il quitte le plateau en pleurs. Le lendemain, de nombreux Égyptiens qui n'avaient jamais manifesté se rendent place à rire. Et l'un d'eux confie « J'ai vu ce gamin, El Ghanim, pleurer à la télé hier soir et je me suis dit que j'étais à l'âge. » Ce jour-là, sous un grand soleil, la foule fraternise. Des jeunes s'organisent pour nettoyer la place, d'autres distribuent des biscuits. Alors, on discute, on échange, jeunes et vieux, chrétiens et musulmans, femmes voilées, non voilées, tout le monde se parle. Jeudi 10 février, c'est l'excitation place Tahrir. Un commandant militaire est venu annoncer une grande nouvelle aux manifestants. Toutes vos exigences seront satisfaites aujourd'hui, dit-il. Tout le monde s'est dit alors, Moubarak va partir. Aux États-Unis, le patron de la CIA, Léon Panetta, évoque la probabilité d'une démission, dit Raïs. Bref, les bons signaux se multiplient. Alors, lorsque Moubarak apparaît sur l'écran géant dans la soirée, tous les manifestants de la place Tahrir retiennent leur souffle. Moubarak commence son discours et annonce d'emblée qu'il transfère ses pouvoirs à son vice-président Omar Suleiman. Mais il va doucher les espoirs de millions d'Égyptiens en annonçant ensuite qu'il reste tout de même à son poste. Le président égyptien poursuit son discours en jouant une fois de plus sur la fibre patriotique. Je redis de nouveau que j'ai vécu pour ce pays. Garant de sa sécurité. L'Égypte demeurera jusqu'à ce que je transfère son étendard. L'Égypte restera une patrie chère qui ne peut me quitter jusqu'à ce que je sois enterré dans ce pays. Et le peuple égyptien sera un peuple digne. Que Dieu préserve l'Égypte, qu'il préserve sa sécurité. Et qu'il guide ses pas. Au revoir. Ce vendredi 11 février devait être une grande fête, mais Hosni Moubarak a décidé de s'accrocher au pouvoir. Fataliste, de nombreux Égyptiens s'en remettent à Dieu. Un opposant déclare, résumant bien le sentiment général, « Ici, il n'y a plus de chrétiens ou de musulmans, plus de différence. Nous sommes tous Égyptiens. » Nous sommes tous les victimes du régime, nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. Moralité, Hosni Moubarak aura réussi à unir son peuple dans une détestation quasi unanime de sa personne. Qui veut encore de lui en Égypte ? Au sein même du palais présidentiel, une dispute éclate entre Moubarak, sa femme et ses deux fils. Le journal Al-Akhbar rapporte la scène dans ses colonnes. L'un des fils Moubarak reproche à l'autre « Tu as corrompu le pays quand tu as ouvert la porte à tes copains businessmen. Et voilà le résultat. Alors que notre père aurait dû être honoré à la fin de sa vie, tu as souillé son image. » Et le raïs ajoute à l'adresse de son fils « Ta mère et toi êtes responsables de tout ça. Vous avez détruit mon image dans l'histoire. » C'est d'ailleurs sur les conseils de son fils que Moubarak aurait décidé d'annoncer la veille qu'il restait au pouvoir. Toujours est-il que ce vendredi 11 février, un bruit court place Tahrir. Le clan Moubarak aurait pris la fuite pour se réfugier dans une villa à Sharm el-Sheikh. À 18h, le vice-président Omar Suleiman fait une annonce à la télé. Au nom de Dieu, le charitable, le compatissant, mes chers concitoyens, dans les circonstances exceptionnelles que connaît le pays, le président Hosni Moubarak a décidé de démissionner et de remettre la gestion des affaires du pays au Conseil suprême des forces armées. Voilà 30 secondes pour mettre fin à 30 ans de règne. Moubarak est tombé, Tahrir peut exulter toute l'Égypte peut célébrer la nouvelle. Après 18 jours de révolution, le peuple a gagné. Le tribut est lourd, plus de 850 morts et des milliers de blessés. Mais pour les Égyptiens, ces deux semaines de révolution resteront dans leur mémoire comme un message d'espoir. Le peuple peut décider de son destin, enfin. Pour l'heure, c'est le moment de fêter ce moment historique. Une manifestante partage sa joie au micro de France Culture. Cette extase-là, c'est un truc que j'espère que ça ne va pas partir. J'espère que même si on souffre terriblement dans l'avenir à cause de la difficulté de passer à une vie vraiment démocratique, qu'à l'intérieur, on ne va pas perdre cette joie, qu'on ne va pas devenir cynique. On ne va pas se dire... C'était beau, mais c'était le début d'un cauchemar. Ça va être un cauchemar, je crois, pour un moment, mais c'est très beau. C'est très beau. La révolution égyptienne aura été soudaine, brutale, violente. Alors que le régime d'Hosni Moubarak avait tout verrouillé depuis 1981, tout s'est effondré en 18 jours. On a parfois parlé de révolution 2.0, mettant en avant les cyberactivistes qui ont été à l'initiative, il est vrai, de la première manifestation. Non, Raïs, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution dont il ne faut pas oublier deux acteurs qui ont joué un rôle fondamental. D'abord, la confrérie des frères musulmans qui a sauté sur l'occasion pour se faire une place dans le jeu politique. Et puis l'armée, qui par son aura symbolique et son pouvoir économique notamment, a beaucoup pesé. Ces 18 jours n'ont été que le début d'un processus politique qui a vu l'arrivée au pouvoir, en juin 2012, de Mohamed Morsi, candidat des Frères musulmans. Renversé par un coup d'État un an plus tard, c'est désormais le général Sisi qui dirige le pays. Après Nasser, Salah Moubarak, c'est encore un militaire qui est à la tête du pays et de la vie d'anciens de la révolution égyptienne. Le général a instauré un climat d'oppression encore pire que sous Moubarak. وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا باليها معنا ما فيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع يا الميدان كنت فين من زمان هديت السور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا من جديد واتولد الحلم العنيد بنختلف والنية صفر لازم بإيدينا نغير نفسينا اديتنا كتير والباقي علينا ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة ونرجع تاني ننسى اللي فات ونحكي عنك في الحياة France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris, vous avez notamment publié, parce que vous avez publié pas mal de livres, en 2014 aux presses universitaires de France, Géopolitique du printemps arabe, un livre couronné par le Grand Prix de la Société de Géographie. Alors, nous avons terminé le récit par cette phrase, de l'avis d'ancien de la révolution égyptienne, le général Sissi, qui dirige le pays depuis 10 ans maintenant, instaure un climat d'oppression encore pire que sous Moubarak. Comment se manifeste cette oppression au quotidien? Et finalement, est-ce que c'est pire qu'il y a 10 ans? Alors, si vous voulez, le problème du pire, c'est que par définition, tout étant très relatif, il faudrait demander aux Égyptiens, et en tout cas aux Égyptiens qui subissent aujourd'hui l'oppression de l'actuel régime. Parce que en réalité, pire que Moubarak, au fond, je ne sais pas, oui, tout est toujours possible. Bon, en tout cas, l'opposition, comment ça se traduit pour vous répondre concrètement, elle est évidemment en prison. Alors notamment l'opposition islamiste, hein, celle des Ikhwan, les frères musulmans, qui ont dirigé le pays pendant un an, hein, de la chute de Moubarak, jusqu'à l'avènement donc du maréchal Al-Sissi. Morsi. Voilà, absolument, c'était Mohamed Morsi, tout à fait. Donc eux sont en prison ou en exil. Après, les mouvances, les vieilles mouvances de gauche sont interdites ou alors elles sont sous le boisseau, c'est-à-dire qu'elles ont cessé de s'exprimer ou alors, encore une fois, elles sont en exil. Et la population a été tellement traumatisée par ce que vous rappeliez à juste titre, c'est-à-dire une répression qui a fait quand même beaucoup de morts, puis une instabilité liée au régime islamiste que, pour l'instant, on a, et depuis un peu plus de 10 ans, on a l'impression que la population préfère éviter, baisser la tête et préfère éviter de nouveaux coups ou une nouvelle révolution. D'ailleurs, vous noterez que ça se passe comme ça dans la plupart des États arabes. Donc oui, l'oppression existe. Oui, malheureusement, le marasme socio-économique existe, mais dans un calme que je qualifierais de soumis. Quelle était la nature du régime de Mohamed Morsi qui a duré un an, régime islamiste, mais quel islamisme? De quel islamisme on parle? Alors, c'était un islamisme entre guillemets modéré. Pourquoi je dis entre guillemets modéré? Parce que Morsi savait parfaitement que la majorité de la population avait voté pour lui, donc pour les frères musulmans et pour ses alliés salafistes, hein, il faut le rappeler, parce que cette population en avait assez de ces 25, de ces 30 ans même, de pouvoir nationaliste de Hosni Moubarak, hein, oui. Dont je rappelle qu'il était arrivé au pouvoir immédiatement après la mort par assassinat de Anwar al-Sadat. Absolument, en 81. D'ailleurs, ça avait été son chef d'état-major, comme Al-Sissi avait été le chef d'état-major Moubarak. Hein. Et l'adjoint, quoi. L'adjoint qui prend la place du patron. Ben exactement. Cerise sur le gâteau, et je ferme la parenthèse. Donc, les gens ont voté Morsi, et pendant un an, sous Morsi, donc l'islamiste, vivaient une révolution islamiste très modérée, dans la mesure où ce gouvernement n'avait pas cherché à imposer la charia de manière extrêmement brutale. Oui. Hein. C'était absolument pas Daesh. Et d'ailleurs, j'ajoute que des militants, pour le coup, islamistes très radicaux, avaient tué dans la péninsule égyptienne du Sinaï des policiers et des militaires en plein ramadan et en pleine prière. Autrement dit, Morsi, le comble du comble, hein, ce président islamiste, avait demandé l'autorisation à Israël, vous m'entendez bien, à Israël, absolument, de coopérer dans la péninsule du Sinaï pour ramener des soldats donc égyptiens, hein, qui étaient interdits de présence en vertu des accords de Camp David de 78, pour casser de l'islamiste radical. Et c'était Morsi qui l'avait fait. D'accord. Seulement, ce gouvernement n'a pris aucune mesure sérieuse, notamment sur le plan social et économique, et la contestation, beaucoup plus sociale que politique, hein, a été immédiatement extrêmement forte, et bien évidemment, les militaires, toujours très forts, hein, traditionnellement, en Égypte, comme d'ailleurs en Algérie et dans d'autres pays arabes, l'ont emporté sur la base du comme aurait dit l'autre, la chienlit, il faut rétablir l'ordre. Et puis, écoutez, on l'a rétabli comme on le sait, l'ordre. Mais vous disiez que le peuple égyptien était demandeur d'ordre, justement. Après, cette révolution qui charrie son cortège de violence, évidemment, on a rarement vu des révolutions de velours, sauf en Tchécoslovaquie. Oui, vous savez, c'est Paul Valéry qui disait « Deux périls menacent le monde, l'ordre et le désordre ». Et c'est formidable, parce que lui, bien évidemment, il parlait d'un ordre noir, d'un ordre fascisant ou d'un ordre totalitaire. Alors, on n'en est pas là, on n'est pas dans un système totalitaire, mais on est dans un système très répressif qui, comme dans la quasi-totalité des pays arabes, alors pas le Maroc, pas les Émirats arabes unis, mais enfin, en tout cas dans la majorité des pays arabes, et malheureusement d'Afrique subsaharienne d'ailleurs, et d'une bonne partie de l'Asie, et de l'Amérique latine dans les années 70, on a affaire à un régime oppresseur et répressif qui joue sur le calme, la stabilité et à minima une assiette pleine. J'ai dit bien à minima parce qu'en réalité aujourd'hui, la moitié des 100 millions d'Égyptiens vit avec moins de 3 dollars par jour, ce qui, aux yeux onusiens, consiste dans une véritable pauvreté. Frédéric Ancel, on se retrouve dans 3 minutes pour continuer cette conversation intéressante autour de l'Égypte. Au bout de la rue, je te vois et je devine déjà que tu n'as pas changé. Que vas-tu penser? Dans tous les pays, ce qui se cachait ici, que je n'avais pas vu, il m'a fallu revenir là où je connais chaque rue. Reste-t-il de la place Tahrir aujourd'hui? Une série d'espoirs déçus pour une partie du peuple, ça paraît clair. Est-ce que pour le gouvernement, c'est aussi le risque de feu mal éteint? Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire que ce gouvernement joue beaucoup sur le fait qu'il est né lui-même, indirectement, de la révolution. C'est-à-dire qu'en réalité, oui. Vous avez un ancien chef d'état-major de Hosni Moubarak qui, aujourd'hui, se fait fort d'être finalement, d'avoir été finalement, sinon le révolutionnaire, en tout cas celui qui a rétabli l'ordre, après un désordre, on va dire, répressif, hein, qui aura duré 30 ans, plus un désordre islamiste qui aura duré un an et demi. Il faut le faire en termes de communication quand même. En tout cas, ce gouvernement joue beaucoup là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est là, ça, bien évidemment, sa crainte panique d'une nouvelle révolution, d'un nouveau printemps arabe. Or, les mêmes causes produisant les mêmes effets, avec une situation socio-économique littéralement catastrophique, d'une part, qui n'est donc pas du tout meilleure que celle qui prévalait sous Hosni Moubarak pendant 30 ans à l'époque, hein, et qui avait créé les conditions de la révolution. Donc avec cette situation très négative, avec une prévarication et une corruption de l'armée égyptienne, dont je disais que comme l'armée algérienne, comme l'armée syrienne et d'autres armées dans ces pays-là, c'est un petit peu différent en Tunisie d'ailleurs, elle a toujours cherché à conserver le pouvoir économique, hein, et les principaux postes de richesse dans le pays appartiennent à l'armée. Donc ces mêmes causes produisant les mêmes effets, moi je considère qu'il n'y a pratiquement aucune chance de ne pas voir un deuxième printemps arabe. C'est vrai dans toute la région, mais c'est notamment vrai en Égypte parce que le taux de fécondité y est resté au-delà des 3,5-4, donc 4 enfants par femme dans sa vie, hein, alors que le gâteau se réduit en quelque sorte, et que les richesses produites par l'Égypte se réduisent, et pardon, je le dis d'un mot, le réchauffement climatique, notamment au niveau de la Sibérie, je ne me trompe pas, je parle bien de la Sibérie, fait que Le canal de Suez, qui constitue la première rente permanente pour l'Égypte, va s'assécher. Pourquoi ? Parce que la grande route du nord-est sibérien, avec la fonte des glaces, va permettre au gaz naturel et à une partie du pétrole russo-sibérien de passer par, d'emprunter donc la route du Japon, de la Chine, bref, de l'Asie, et non plus... Sans passer par Suez. Exactement. Et non plus celle de la Scandinavie, de Gibraltar et de Suez. Alors l'Égypte risque de perdre de son influence. Elle reste quand même, depuis Nasser... l'une des nations les plus fortes, les plus influentes du monde arabo-musulman. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? C'est encore le cas aujourd'hui et ça le restera pour au moins deux raisons. D'abord parce que, d'un point de vue géographique, l'Égypte c'est la centralité du monde arabe. Entre le Maroc et l'Irak, vous regardez, l'Égypte est la centralité. Deux, démographiquement, c'est l'État arabe le plus puissant. Le plus peuplé. On est aujourd'hui à plus de 105 millions d'Égyptiens et je vous disais que le taux de fécondité restait élevé, contrairement par exemple à ce qui se passe au Maghreb. Deux. Trois, la langue égyptienne. L'arabe égyptien est considéré dans l'ensemble du monde arabe comme l'une des plus belles, l'une des plus pures, sinon la plus pure. Et enfin, dernier point, l'économie égyptienne est et restera sans doute portée à bout de bras par l'Arabie Saoudite, quasiment voisine. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite considère que le caractère très, très nombreux de l'armée égyptienne constitue un peu son assurance-vie. C'est-à-dire que si un jour l'Arabie Saoudite devait être envahie, on se demande par qui, mais admettons, eh bien, le pouvoir saoudien considère qu'il aura besoin à ce moment-là de l'armée arabe la plus nombreuse, la mieux équipée, notamment par les Américains, et la plus proche. Et objectivement, c'est pas faux, ça serait l'armée égyptienne. Alors, on a vu, en marge de la Coupe du Monde au Qatar, deux dirigeants et non des moindres, Erdogan et Sisi, après des années de brouille, se rencontraient, parler, et peut-être qu'on voit se dessiner un axe Turquie-Égypte. Est-ce que ça paraît plausible et quelles conséquences ça pourrait avoir ? Alors moi je n'y crois pas, je crois plutôt que c'est une branche à laquelle tente de se raccrocher M. Erdogan, dont la politique étrangère depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2003 est un échec, mais pratiquement sur tous les plans, et pour cause. Elle est difficile à lire, bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'il échoue quelque part, il tente de se raccrocher à une autre branche. Ça a été le cas récemment, vous avez raison, avec l'Égypte, mais en réalité les années précédentes, c'était le cas plutôt avec la Libye ou l'un des deux camps rivaux en Libye, et puis surtout le Qatar. Or, le Qatar, c'est les frères musulmans. Ouais. Ah oui, mais l'Égypte, c'est pas les frères musulmans parce qu'ils sont en prison en Égypte. Hein. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, la Turquie essaye finalement de se rabibocher avec cet axe principal, dont l'un des piliers est effectivement l'Égypte, mais qui va du Maroc aux Émirats Arabes Unis, en passant par la France, les États-Unis et Israël. Toujours ce lien quasi organique entre l'Égypte et les États-Unis depuis Anwar el-Sadat, finalement. Absolument. Je crois pouvoir affirmer que la seule réussite américaine au cours de cette décennie horribilis, en gros, 66, 67 à 78, 79, ça a été la chute dans l'escarcelle américaine de l'Égypte, qui était quand même pro-soviétique, bien évidemment, depuis Nasser, depuis au moins 56. Et ça ne s'est jamais démenti. L'Égypte n'a jamais quitté le giron américain. Et tant que l'Égypte respectera la paix de Camp David avec Israël de 78, eh bien, elle touchera chaque année plus de 2 milliards de dollars de la part des États-Unis. Voilà, c'est une explication, effectivement. Merci infiniment. Merci à Frédéric Ancel. On se retrouve dans un mois un autre sujet géopolitique. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le printemps arabe en Égypte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Félix Delacour. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récits documentaires, Jeanne Maillard, Judith Chétrit, Héloïse Davio, Gaspard Valu et Vincent Lebrun. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Coordination, Franck Cognard. Réalisation, Hélène Bizio, Frédéric Milano, Charles de Cilia et Stéphane Combes.